listening to Royal Audio Tunes. Shalom, salam, aujourd'hui je sonne l'alarme. Un cessez-le-feu s'impose, posez à terre vos armes. Car trop de larmes versées, trop de sang à couler. Palestine, Israël, c'est un appel à la paix. Moi je comprends pas le comportement de l'Occident. Y a-t-il des intérêts à cette guerre au Proche-Orient? Faudrait penser aux enfants élevés dans cette haine, leur dire que l'ennemi est en face. Mais où cela nous mène? C'est une aubaine pour qui? Toutes ces victimes civiles. Palestine, Israël, vous faire la guerre est inutile. Je cautionne pas ceux qui balancent de l'huile sur le feu. Faut pas chercher de fautifs pour un combat, il faut être deux. C'est douloureux pour chaque peuple de vivre dans la peur. Les armes ont provoqué un chaos qui sème la terreur. Faudrait oublier ces années où la violence prédominait. L'amertume ressentie doit absolument être effacée. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Je suis un casque bleu, j'aime pas quand y'a des conflits. Moi c'est Djibril le conciliant et je crois en la vie. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Tant qu'il y a de la vie, ma part est qu'à de l'espoir. La paix en terre promise, faut simplement y croire. Nous, spectateurs de ce conflit qui déteint sur nos vies, Moïse et Mahomet s'embrouillent jusque dans nos villes. Le dialogue est rompu entre l'imam et le rabbin. Pourtant les deux croient en Dieu, ça leur fait un point commun. Les juifs et les musulmans ont toujours été des frères, vivaient en Afrique ensemble sous les mêmes bannières. Un passé comme un gâché par un présent à chier. Attristé de voir cette si belle amitié détériorée. L'unité judéo-musulmane est un but à atteindre. Vous êtes voisins et alliés, donc arrêtez de vous craindre. Le monde vous regarde et cette frontière on en a marre. Il est temps de briser le mur de pierre qui vous sépare. Il faut également faire évoluer les pensées, car les malpensants ont fait véhiculer trop de clichés. La différence est une richesse, non un obstacle à la rencontre. La paix, je me demande qui aujourd'hui peut être contre. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Je suis un casque bleu, j'aime pas quand y'a des conflits. Moi c'est Djibril le conciliant et je prends la vie. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Tant qu'il y a de la vie, ma part est qu'à de l'espoir. La paix en terre promise, faut simplement y croire. De l'esplanade des mosquées au mur des lamentations, terre où convergent les prières de toutes les nations. Jésus, Mahomet, Moïse ensemble pour l'union de ces trois cultes sacrés, de ces trois religions. Tout d'accord pour dire qu'on descend d'Adam et Ève. Donc avec l'aide de Dieu, je demande une trêve. Jérusalem, un rêve pour chaque croyant de la planète. Puisse la paix se propager dans l'âme de chaque être. Le même Dieu, juste plusieurs manières de le prier. Impossible de faire un choix entre une sina et une mosquée. Terre promise à l'humanité tout entière. Donc la jeunesse du monde en sera héritière. On a tous le même sang qui coule dans nos veines. Tous humains, tous frères, donc délaissons notre haine. Marchons sur le chemin de l'amour et du respect. Et si Dieu veut un jour, ces deux peuples vivront en paix. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Je suis un casque bleu, j'aime pas quand y'a des conflits. Moi c'est Djibril le conciliant et je prends la vie. Israël, Palestine, ma mère est juive, mon père est musulman. Je peux pas être pour la guerre étant donné mes origines. Tant qu'il y a de la vie, bah pareil qu'il y a de l'espoir. La paix en terre promise, faut simplement y croire. Super Sound.